princesse de mon cœur. Si j'avais pu te dire, oh combien je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Si j'avais pu te dire, oh combien je t'aime, au lieu de saccager le temps et de tous ces dilemmes, comprendre au point de te dire que tu es toujours belle. Enfin je comprends que tu es ma seule étincelle. Mais comme l'amour est grand quand il passe par là, aujourd'hui sera l'instinct de te prendre dans mes bras. Chaque jour doit être la plus belle des déclarations, te regarder et sentir toutes tes émotions. Infiniment je suis amoureux de ton regard. Les uns diront que même serait-ce trop tard, mais je garde ton odeur, celle dans ma tête, comme le parfum d'une belle conquête. Parce que tu es mon tout au milieu de ce rien. Et quoi de plus beau quand on établit ce lien? Je ne respire que la plus belle des visions. C'est à ce jour que j'en prends toutes mes positions. Princesse de mon cœur. Princesse de mon cœur. Et comment te dire, sans faiblesse à chaque heure, toujours moi je transpire, te retrouver dans l'immensité de l'incontournable. Et quand on est loin, c'est là que vient ces fables. Mon amour de ce temps, l'horloge s'est arrêtée. Je remonte le cadran et je veux m'y apprêter. Je ne voudrais juste n'être que ton chevalier, et vivre avec toi et augmenter tous ces paliers. Te donner la main pour monter cet escalier. Pour la vie je me voue à toi comme une normalité. Et le piano m'emporte et je l'aime autant que toi. Comme une passion je l'écris de mes 10 doigts. C'est comme ça, je n'y peux rien, en toi j'ai la foi. Tu es magnifique et j'en casserai ses lois. Un être que je dis si magnifique, et puis sans logique, je me perds au milieu de la nuit. J'écris ce texte comme une rivière qui coule, et liberté des mots, le positif m'enroule. Je garde ce que tu es et je dis ce que je vis. De toi je veux entendre et ressentir toutes tes envies. Un homme se dit tout, mais ouais sa femme. Il est temps que je déclare enfin ma flamme. Et dire si je t'ai vu comme un chocolat j'ai fondu. Comme un aveugle à ce jour, tu me redonnes la vue. Le respect est une arme, je m'incline devant toi. Simplicité des choses, tu es ma reine, je suis ton roi. Et alors quoi? Laissez-nous enfin respirer. Ensemble est notre mot, à deux notre liberté. On a tous besoin de se sentir réhabilité. L'amour est fort et j'en sens cette habilité. Princesse de mon cœur.